Bonjour à tous, bienvenue sur Podcast Science et sur... Scepticisme scientifique. Voilà, une émission toute spéciale aujourd'hui. On est en compagnie de Jean-Michel Abrassard, l'animateur du balado Scepticisme scientifique, et en compagnie aussi du professeur Fon. Bonjour professeur Fon. Salut Mathieu, salut Jean-Michel. Salut à tout le monde. Alors aujourd'hui, on va un peu se présenter mutuellement. Le podcast sera publié sur les deux sites, donc sur Podcast Science et sur Scepticisme Scientifique. Donc on va un peu se présenter mutuellement pour que les auditeurs de chacun des podcasts puissent nous connaître. Et après, on va parler un petit peu de zététique et de choses pseudo-scientifiques. Alors peut-être professeur Fon, est-ce que tu veux peut-être commencer à dire quelque chose ou comment on... Oui, alors peut-être tout d'abord dire que cette émission spéciale se fait à l'initiative de Jean-Michel, donc l'hôte du podcast Scepticisme scientifique, qui nous a contactés à travers nos textes après notre numéro spécial d'il y a 10 jours sur le dénialisme scientifique, qui l'a beaucoup intéressé. Je crois que c'est un peu ton registre, justement, Jean-Michel, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est le sujet même du scepticisme scientifique ou de la zététique selon le vocabulaire qu'on préfère. Enfin, j'expliquerai ça un peu plus loin. D'accord, bah en fait, tu peux peut-être l'expliquer tout de suite. Zététique et scepticisme scientifique, c'est synonyme, c'est la même chose, c'est le même courant de pensée. Est-ce qu'il y a des différences? Et puis toi, tu te revendiques d'un courant de pensée en particulier? Oui, peut-être que je peux dire un mot à propos de moi d'abord. C'est vrai. Désolé, mais oui, je suis l'hôte. Alors tout d'abord, à propos du balado, c'est moi qui ai débuté le balado, mais actuellement j'ai un co-hôte, donc on est deux aussi. Et donc Nicolas Gauvry, qui est statisticien, et on anime le balado à deux. Et moi, je suis psychologue et philosophe de formation, et j'ai commencé à m'intéresser à la croyance dans le paranormal et la croyance dans le phénomène OVNI durant mes études universitaires. Et puis voilà, mon intérêt a continué. Ça, c'est à propos de moi. Alors, scepticisme scientifique, ben ça, en fait, ça dépend de la langue qu'on emploie, donc si on parle anglais ou si on parle français. Donc, c'est globalement, donc en gros, c'est la même chose, cette éthique étant le terme employé dans la France, en France. Sceptique, rational skepticism, c'est le terme qu'on emploie dans le monde anglo-saxon. D'accord. Donc, à certains moments, dans votre épisode sur le dénialisme, à certains moments, vous avez parlé, il faut être sceptique de, ben c'est parce que vos sources d'information, c'était probablement, enfin, les livres que vous aviez mentionnés, c'était des auteurs qui se revendiquent du mouvement sceptique contemporain, donc ils utilisent ce vocabulaire-là. Mais le terme de zététique est totalement inconnu dans le monde anglo-saxon, ils ne l'emploient pas du tout. Et le scepticisme scientifique, ça fait longtemps qu'on en parle, que ça existe en tant que terme, que les gens se revendiquent sceptiques scientifiques, ou c'est de ce siècle, enfin du XXe siècle, ou même avant? Alors, bon, l'origine historique du mouvement sceptique contemporain, c'est au milieu du XXe siècle. Généralement, on considère que c'est Martin Gardner qui est né l'originateur, le père fondateur, enfin pas le père fondateur, mais disons qui a le premier démarré l'idée aux États-Unis avec son livre Fads and Fallacies in the Name of Science. Je vais pas traduire ça, mais enfin, c'est son livre qu'il a publié dans les années 50. Martin Gardner, pour ceux qui ne connaissent pas, il a été journaliste à Scientific American pendant très longtemps, où il tenait la rubrique de mathématiques récréatives, et il est particulièrement célèbre chez les mathématiciens pour ça, mais il est aussi donc, il a été un fervent critique des pseudosciences. Et par la suite, dans les années 60-70, un certain nombre de personnes qui étaient déjà des sceptiques ont décidé de créer la première grande organisation mondiale, le PSYCOP, donc Committee for Skeptical Investigation of Claims of the Paranormal, qui a été aujourd'hui rebaptisé CSI, donc Committee of Skeptical Inquiry. Et donc on peut dire que la fondation de ce groupe est la fondation du mouvement en tant que tel dans le monde anglo-saxon. Alors, dans le monde francophone, il y a eu en fait en Belgique. Yay, because, ah oui, je suis belge donc. D'accord. On avait un petit peu remarqué. Donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc avant les Américains en 1945, donc un certain nombre de scientifiques ont eu un peu la même idée parce qu'à la fin de 1945, il y avait beaucoup de voyants, de médiums, d'astrologues qui prétendaient être capables de retrouver les personnes disparues sur le champ de bataille. Donc la période historique était favorable au développement des pseudosciences. Et donc un certain nombre de scientifiques se sont regroupés et ont fondé un groupe qui s'appelle, en général on l'appelle le Comité Para. Le vrai nom, c'est Comité belge pour l'investigation scientifique des phénomènes paranormaux. Et donc, dans les années 60, il y a eu l'affaire Gauquelin. Donc, Michel Gauquelin était un psychologue français qui prétendait avoir trouvé un effet Mars, donc certaines planètes auraient des influences sur la carrière des individus. Donc, c'était une prétention quelque peu astrologique, même s'il ne défendait pas l'astrologie elle-même. Il prétendait une influence des astres sur notre comportement. Et le comité Para s'est lancé dans le débat d'un point de vue statistique en réanalysant certaines de ces données. Et ce débat a fait beaucoup de bruit et donc est arrivé aux États-Unis. Et donc ces individus dont je parlais précédemment ont eu vent de ce débat et c'est aussi ce qui les a motivés à créer. Donc le premier groupe, ce qui explique la similarité des noms entre Comité belge pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux et le groupe américain qui s'appelle Committee for Skeptical Investigation of Claims of the Paranormal, ce qui est pratiquement la traduction du nom du groupe belge, quoi. Ouais, c'est marrant. Ok. Évidemment, juste pour terminer sur la note un peu historique, il y a eu des précurseurs, hein, Harry Houdini, le magicien, qui a particulièrement démystifié les médiums spirites, puisqu'il y a tout le débat sur les médiums à la fin du 19e, dont probablement les gens qui ne s'intéressent pas à la parapsychologie ont oublié, mais il y a eu un débat intense de ce côté-là. Donc le magicien Harry Houdini était vraiment un sceptique qui déboulonnait, donc on considère que c'était un précurseur. Puis même avant ça, les Lumières, donc David Hume, le philosophe écossais. Disons, le mouvement sceptique contemporain se situe dans le mouvement philosophique des Lumières. Donc, enfin, bon, là, je vais rentrer dans l'explication de ce qu'est le mouvement sceptique contemporain, probablement. Ok, nous de notre côté, on va peut-être se présenter aussi en deux mots pour tes auditeurs qui ne nous connaissent probablement pas. Donc, Podcast Science, c'est un podcast amateur. On est trois animateurs aujourd'hui, Mathieu, Antoine et moi-même. Que dire encore? Il a démarré il y a 6 mois, donc en septembre, ouais, un petit peu plus de 6 mois maintenant. Septembre de l'année dernière. Et puis, quant à sa genèse, notre profil, notre légitimité pour le faire, bah, tout ça est un peu particulier. En fait, nous, on n'est pas scientifique, on n'a pas de formation scientifique. Mathieu et moi travaillons dans l'informatique. Antoine est étudiant en informatique. Bon, c'est quand même un peu scientifique, hein. Ouais. C'est vrai. Allez, on dira qu'il y a un vague lien. Mais c'est vrai qu'on a pas de formation scientifique à proprement parler. Par contre, on est passionné de science, passionné de la démarche scientifique, avec une folle envie de la partager. Bah Mathieu, toi, tu pourras peut-être dire d'où ça t'est venu. Moi, j'ai essayé d'y réfléchir un tout petit peu pour pouvoir me présenter. En fait, j'étais un cancre à l'école et la science n'est pas un sujet qui m'a intéressé plus que les autres, mais j'ai eu une subite prise de conscience, c'était au début des années 2000, en entendant un truc à la radio, c'était ce sondage, je sais plus quand c'était, 2003 probablement, le résultat du sondage qui indiquait que plus de 40% de la population américaine croyait au créationnisme, plus qu'à l'évolution. Et puis là, j'ai commencé à vraiment me poser des questions. Moi, je croyais à l'évolution, mais je me suis dit, mais attends, on est en train d'opposer une croyance contre une autre. Là, il y a un truc qui cloche, quoi. Je me suis rendu compte qu'il suffisait pas de croire en l'évolution. Je voulais comprendre le phénomène. Et j'ai commencé à me documenter. J'ai lu L'origine des espèces de Darwin, de fil en aiguille. J'ai lu des tonnes d'ouvrages de vulgarisation scientifique. Et j'ai compris quelle était la démarche, quel était son intérêt. En quoi la science en tant que démarche, en tant que méthodologie, diffère totalement des croyances, en quoi on ne devrait pas opposer finalement ces deux approches. Et puis voilà, de fil en aiguille, ben, est née cette passion, et puis petit à petit une envie de la partager qui a conduit petit à petit au podcast. Mathieu, je sais pas, de ton côté, Non, alors moi, j'ai toujours eu un penchant pour la science. J'ai fait des études scientifiques, j'étais dans la branche scientifique. J'ai toujours beaucoup aimé les maths et la physique. Et bon, au fil du temps, je me suis intéressé à l'informatique, donc j'ai fait beaucoup d'informatique, mais j'ai resté toujours très alerte aux news scientifiques. J'ai toujours essayé de suivre un peu ce qui se passait, de rester informé. Et voilà, c'est comme ça qu'on est un peu qu'on s'est contacté les deux. Les deux on s'est rendu compte que l'un et l'autre, on partageait beaucoup de news scientifiques. Et voilà, le podcast science est né à partir de là. Mais non, moi, j'ai toujours eu un penchant beaucoup plus scientifique que littéraire, en fait. Oui, et comment, quel type de contenu vous présentez dans Podcast Science? Alors, on n'a pas vraiment de ligne éditoriale pour le moment, on n'a pas de spécialisation. En fait, c'est tous les sujets qui nous passionnent d'une manière ou d'une autre ou que les auditeurs nous demandent de présenter. Parce que petit à petit, ça, c'est le côté un petit peu inattendu de l'initiative. C'est-à-dire qu'on avait très envie de partager tout ça, mais moi, je ne m'étais pas douté un instant que derrière, on aurait une communauté qui se constituerait rapidement et qui interagirait beaucoup. Et ça, c'est vraiment le côté formidable, quoi. C'est ce que j'aime le plus dans le podcast. Donc là aussi, on nous demande des sujets de temps en autre. On a un petit peu nos airs de spécialisation malgré tout. Les gros sujets de physique, physique quantique, les trucs un peu impossibles de cosmologie, c'est plutôt la spécialité de Mathieu. Moi, je suis plus. Ouais, je sais pas, je crois que j'ai un petit penchant pour la génétique, la biologie et puis l'épistémologie. Je me pose beaucoup de questions sur la démarche scientifique elle-même, finalement. Puis je crois que mes sujets le reflètent un peu. Et puis, Antoine est plus. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Mathieu, hein, mais je dirais qu'il est plus dans. Les sciences pratiques, en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement curieux et puis il décode tous les phénomènes qui l'entourent, toutes ces observations de la vie quotidienne. Il a tendance à chercher la science qui se cache derrière et à la partager également. Donc voilà, on ratisse assez large finalement. Oui, j'étais un peu curieux de savoir comment, qu'est-ce qui vous a amené à réaliser un épisode sur le dénialisme? Qu'est-ce qui a motivé ce questionnement ou ce sujet? Alors ça, c'est plutôt une initiative de Alan. On l'appelle Professeur Fun dans Podcast Science. Donc, c'est plutôt une initiative de Professeur Fun. Moi, personnellement, je ne m'étais pas trop posé la question là-dessus. Enfin, oui, je savais que ça existait, mais j'en faisais pas tout un plat. Et c'est toi, Alan, qui a eu un peu l'idée de partir là-dessus, non? Oui, effectivement. Bon, je pense qu'il y a plusieurs origines à la démarche. D'abord, j'ai toujours ce questionnement fondamental de la croyance, enfin de la foi, de la croyance opposée à la science. Et puis, voilà, toujours un besoin finalement d'expliquer comment on distingue l'une de l'autre, ce qui fait la différence, ce qui fait l'intérêt de la démarche scientifique. Donc ça, c'est une espèce de toile de fond. Et puis plus concrètement, on a eu dans les commentaires de notre site web, où on poste chacun des sujets qu'on fait, des interventions de gens que je qualifierais de trolls, de pseudo ou d'alter scientifiques. Et je ne savais pas comment il fallait se positionner par rapport à ça. J'ai posé des questions un peu partout. J'ai ouvert un thread dans Quora, le réseau social qui permet de poser des questions à des spécialistes. J'étais très embêté, en fait. Est-ce qu'il faut dialoguer avec ces gens qui ne respectent pas l'intégrité de la démarche? Est-ce qu'il faut boycotter leur opinion, ne pas les écouter, ne pas les laisser s'exprimer? Et puis, quel est notre rôle finalement en tant que vulgarisateur scientifique dans cette démarche? Petit à petit, il m'est apparu assez comme. C'est justement expliquer ce qu'est cette démarche, enfin ce que sont ces démarches, ce que sont ces tentatives, plutôt que d'entrer dans le jeu des dénialistes et voilà de se lancer dans des discussions abracadabrantes parce qu'on n'est pas sur les mêmes bases au départ, quoi. On n'a pas les mêmes réflexes. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'est née l'idée. Et puis en fouillant un peu, en me documentant sur le sujet, j'ai vu que d'autres y avaient déjà réfléchi, avaient un discours. J'ai demandé au professeur McKee, qui était le co-auteur de l'étude que j'ai mentionné son autorisation pour utiliser le sujet qu'il m'a donné sans problème. Et puis c'est à cette occasion-là que je me suis rendu compte que Pascal Dittelme, qui était l'autre co-auteur, même l'initiateur de l'article, était en fait francophone, basé à Genève. Et du coup, je l'ai contacté pour lui demander s'il était OK de participer. Et puis à mon grand étonnement et à notre grand enthousiasme, il l'était. Ce qui a donné un épisode particulièrement intéressant. Oui, très bien. Je voulais un peu revenir sur un point, parce que c'est vrai que je m'étais lancé dans mon historique et je n'ai pas vraiment finalement expliqué la zététique, le mot zététique. Mm-hmm. Le mot zététique provient du fait que, en fait, le mouvement sceptique contemporain n'a jamais vraiment pris d'ampleur en France ou dans le monde francophone. C'est probablement pour ça que vous le découvrez. Contrairement aux États-Unis où c'est vraiment énorme maintenant. Mm-hmm. Mais en Europe, donc dans les années 80, Henri Brock, qui est un physicien, a essayé de populariser ce mouvement et il a décidé d'adopter ce terme, donc zététique, au lieu de mouvement de scepticisme scientifique, pour des raisons X ou Y. Moi, je préfère le terme de scepticisme parce que je pense que c'est plus immédiatement clair que zététique. Quand on dit zététique, les gens se demandent qu'est-ce que c'est que ce machin. Mais enfin, Henri Brock, comme vous parlez dans cet épisode sur le dénialisme, vous mentionnez le laboratoire de zététique. Donc Henri Brock est celui qui a créé à l'université de Nice Sophia Antipolis le laboratoire de zététique. Donc c'est la personne à l'origine de cette initiative. Ok, et puis toi, tu es connecté au laboratoire zététique d'une manière ou d'une autre ? Non, je ne fais partie d'aucun groupe, mais j'ai fait partie du comité parents en Belgique avant d'aller vivre au Japon. Actuellement, je suis indépendant. Mais il y a différents groupes en France. Il y a donc le laboratoire, mais aussi ce qu'on appelle l'observatoire zététique. Et puis, il y a un autre groupe qui s'appelle l'AFIS, donc l'Association française pour l'information scientifique. Mm-hmm. Donc, il y a toute une série de groupes qui, sous des noms divers, même plus anciens, l'Union rationaliste, on peut dire, se situe dans la même lignée, même si alors là, on aborde un autre sujet, mais enfin un sujet connexe, mais comme tu as mentionné le problème du créationnisme et de la foi, un des grands débats internes dans le mouvement sceptique contemporain, c'est la question de la critique de la religion. Parce qu'évidemment, il y a un recouvrement, beaucoup de sceptiques sont des athées. Aux États-Unis, évidemment, il y a peu de gens qui sont athées aux États-Unis. Et bon, quand on est sceptique, je crois que le recouvrement est gigantesque. Donc, la question, c'est dans quelle mesure le sceptique contemporain doit se mettre sur le terrain de la religiosité. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que il y a d'autres, le rationalisme ou l'humanisme séculier, qui sont des mouvements frères et sœurs, si on veut. C'est plus leur dada, quoi, la contre-apologétique. Je suis plutôt de l'avis que le mouvement sceptique contemporain et la zététique doivent se concentrer sur, donc, pour paraphraser Michael Shermer, on fait la promotion de la science et on critique la pseudo-science, les sciences parallèles, les sciences vaudou, les parasciences et la pure et simple foutaise, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. C'est un peu le slogan, quoi. Donc, pour ceux qui se demandent c'est quoi le mouvement sceptique contemporain, c'est ça. Et en fait, nous on est francophones, donc tu nous expliques un peu qu'il y a des observatoires et des laboratoires en France de zététique. Tu nous as aussi parlé qu'aux États-Unis, il y avait des mouvements dans ce sens-là, mais dans le reste du monde, c'est aussi présent, je sais pas, en Asie, dans le reste de l'Europe, en Amérique du Sud. Est-ce que tu es au courant s'il y a aussi des mouvements un peu comme ça et des laboratoires ou des gens qui travaillent là-dessus ? Et au Japon ? Au Japon, par exemple, ouais. Mais oui, disons que ça a explosé dans le monde anglophone, ok ? Donc en Australie actuellement, en Nouvelle-Zélande, donc en Grande-Bretagne. Ils ont ce qu'on appelle maintenant les skeptics in the pub, donc au lieu d'avoir des cafés philo, ils ont des cafés sceptiques qui sont extrêmement populaires. Dans le reste du monde, je pense que il y a des associations similaires, mais ça n'a pas la popularité que ça peut avoir dans le monde anglo-saxon. Et en Europe, on a ce qui s'appelle l'EXO, donc European Committee of Skeptical Organization. Donc, c'est une organisation qui regroupe toutes les organisations sceptiques d'Europe, donc d'Italie, d'Europe de l'Est, etc. Donc il y a cette organisation. Mais encore une fois, les tailles de grandeur ne sont pas du tout similaires, quoi, entre les organisations américaines comme le CSI ou la Skeptic Society et l'EXO. Enfin, Nous, enfin, les organisations francophones sont, c'est des trucs minuscules, quoi. Les organisations américaines sont gigantesques. D'accord. Tu sais s'il existe quelque chose en Suisse, en parlant de monde francophone? En fait, non, je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler d'une organisation suisse. Mais bon, je ne doute pas qu'il y a des gens. Par exemple, la personne, ah, j'ai oublié son nom, mais que vous aviez interviewé dans l'épisode sur le dénialisme. Pascal Dithelme. Voilà, je veux dire, quand il parle, pour moi, ça ne fait aucun doute, quoi. C'est un sceptique. C'est un vrai sceptique. Je veux dire, dans les références qu'il donne, etc. Un zététicien malgré lui. Voilà, c'est quelqu'un. Ben non, mais il y a beaucoup de gens qui découvrent le scepticisme et ils disent ouais, j'ai toujours été sceptique, mais je ne savais pas que je l'étais, quoi. Ben, c'est un peu ça le problème, Ouais, mais quoi. je crois que je me considère un peu de cela, en fait. Moi, j'ai toujours été quelqu'un très sceptique, mais je savais, je sais pas, je me suis jamais considéré comme tel parce que j'ai jamais rencontré non plus des gens. J'ai jamais beaucoup débattu là autour avec des gens, mais finalement, je pense que je le suis aussi, par la force des choses. Ah, t'as peut-être pas la fibre militante, c'est une composante Ouais, ça nécessaire, doit être non? ça. Je pense que j'ai peut-être pas la fibre militante, ouais. Oui, enfin bon, c'est comme dans tous les mouvements, il y a des gens qui sont plus passifs et consommateurs de la littérature, puisqu'il y a des magazines, hein, en anglais, il y a Skeptical Inquirer et le magazine Skeptic, qui s'appelle juste Skeptic Magazine. Mais bon, et puis bon, pur consommateur, je crois qu'il y a à peu près 30 podcasts en anglais, je crois que je ne les ai pas tous recensés. Si vous voulez écouter des podcasts sceptiques, il y en a. Le plus Ouais, polaire. Ouais, vas-y. si tu devais nous en recommander un, à part le tien, un seul podcast sur le scepticisme, ce serait lequel? En anglais, le plus populaire, il s'appelle The Skeptic's Guide to the Universe. Ouais. C'est celui que je recommande. Je crois qu'ils ont 70 000 auditeurs chaque semaine, donc pour vous donner une idée, quoi. D'accord, on mettra le lien. Qui est-ce qui est derrière? Ils sont une équipe de 5, mais enfin la personne principale s'appelle Steven Novella et il est neuropsychiatre à Yale, si mes souvenirs sont bons. Et ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est incroyable en tout cas. Il a une culture scientifique extraordinaire et une capacité à expliquer, à démystifier les pseudosciences relativement inégalée à l'heure actuelle. C'est peut-être le nouveau Carl Sagan que les sceptiques attendaient depuis la mort de Carl Sagan. Ah, merveilleux. Ouais, bon, bah voilà, un podcast de plus sur la liste. C'est sûr. Et justement, quand on parle de pseudosciences, toi tu te spécialises un peu dans la parapsychologie, c'est juste? Oui, donc oui, juste pour préciser sur le balado, c'est vrai que vous êtes un peu un balado consacré à la science en général, mais nous, pour les gens qui seraient vos auditeurs qui seraient potentiellement intéressés, on a un angle d'attaque un peu particulier en fait, parce que ce qu'on bon, probablement premièrement, on aborde la science en tant que vision du monde, pas en tant que seulement la science pour la science, mais ce qu'on appelle le naturalisme philosophique, donc. Le naturalisme méthodologique en science, c'est dire quand je fais une recherche, je ne dois pas faire d'hypothèse surnaturelle. Mais ça ne fait pas que le chercheur lui-même, il croit peut-être en Dieu ou bon, il peut croire en toutes sortes de choses, mais simplement quand il fait une expérience, méthodologiquement, il ne doit pas avoir d'intervention du surnaturel. Il peut pas dire à un moment, comme les créationnistes le font, enfin le dessin intelligent, ils disent à ce moment-là, un miracle s'est produit. C'est pas valide en science dans la méthode, mais peu importe les croyances du chercheur elle-même, il doit les mettre de côté. Mais le naturalisme philosophique, c'est la posture métaphysique qui consiste à étendre le naturalisme méthodologique et à dire, bah en fait la raison pour laquelle cette approche méthodologique fonctionne, c'est parce qu'en réalité, d'un point de vue métaphysique, le surnaturel n'existe pas et il n'existe que ce qu'on peut observer empiriquement. Donc on aborde ces sujets-là, donc on va avoir de la philosophie dans le balado. On va parler aussi d'athéisme ou d'humanisme séculier, des sujets qui sont de connexes, quoi. Donc on ne parle pas que de science, mais c'est toujours dans ce qu'on appelle, oui, c'est ça, dans une vision du monde scientifique, quoi, qui va au-delà de la science. Parce qu'évidemment, on ne peut pas prouver scientifiquement que le surnaturel n'existe pas. Hein. Ouais. Je me rappelle d'ailleurs de l'échelle de Richard Dawkins, l'échelle de l'athéisme de 0 à 10, lui-même se plaçait à 9 parce que il ne peut pas prouver que le surnaturel n'existe pas. Ouais, c'est pourtant un des fers de lance du mouvement dans le monde. Anglo-saxon, enfin sceptique à tendance athéiste, athée. Oui, c'est ça, donc tout à fait. Ouais. Et alors, pour répondre à la question, moi, mes dadas, bon, Nicolas Gorry, il fait plutôt des épisodes que j'appellerais du scepticisme 101, donc il aborde bon, les raisonnements fallacieux. Parce que bon, c'est une chose de dire les pseudosciences utilisent des raisonnements fallacieux, mais c'est une autre de dire, bon, ben voilà, on va vous expliquer un raisonnement fallacieux et pourquoi il est fallacieux, par exemple. Pourquoi l'argument d'ignorance, par exemple, je ne sais pas expliquer A, donc A, cette absence d'explication prouve l'existence de Dieu, par exemple. Pourquoi est-ce que c'est un raisonnement fallacieux? Pourquoi est-ce que le raisonnement n'est pas valide? Il faut pouvoir l'expliquer, donc on explique ça. Ouais, et puis il fait ça de manière extrêmement efficace, je trouve. J'étais un peu scotché par son numéro sur la numérologie, un autre sur l'effet Barnum, ou c'était peut-être le même, je ne me rappelle plus, mais enfin, c'est vrai qu'il a un vrai talent quoi, pour expliquer ces phénomènes, les démonter et les exposer avec des termes simples. C'est vrai que c'est une bonne introduction au scepticisme, je trouve. Et alors moi, j'ai tendance à faire des choses plus, comment dire, plus de fond, donc pour les sceptiques un peu plus expérimentés, je dirais. Et alors, moi, je suis plutôt centré donc sur l'ufologie et la parapsychologie, quoi. Alors, oui, la parapsychologie, enfin, l'ufologie, je suppose que la plupart des gens connaissent, mais bah, par exemple, en France, il y a le CNES, un Comité national d'études des phénomènes spatiaux, qui a un service officiel consacré à l'étude des ovnis, hein, donc qui s'appelle le GIPAN. C'est un sigle, enfin bon. Et le GEPAN continue, enfin prétend, affirme qu'un nombre non négligeable de ces cas sont non explicables de manière prosaïque, donc sont non explicables. Et vous savez, l'argument classique des ufologues, c'est si c'est non explicable, ça veut dire que c'est d'origine extraterrestre. Bien sûr. Ça, c'est un Donc, raisonnement fallacieux, c'est juste. tout bien vu, bien vu. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, par exemple, en France, enfin, moi, je ne suis pas français, mais ils ont droit à un service national d'études de le CNES, qui est quand même un service prestigieux, qui tient un discours que personnellement, je trouve très ambigu sur le phénomène OVNI. Hein. J'aimerais qu'ils tiennent un discours quelque peu différent. Et voilà, donc on aborde des cas qu'on célèbre dans la casuistique, donc comme par exemple Trans-en-Provence ou le cas de l'Amarante, qui sont des cas réputés inexplicables. Et on explique qu'en fait, ils sont explicables. Ou qu'en tout cas, les gens qui ont enquêté n'ont pas fait leur boulot, donc ils n'ont pas épuisé réellement toutes les explications qui étaient envisageables, pour des raisons X ou Y, quoi. Mais voilà, la parapsychologie. Alors, la parapsychologie, c'est l'étude du psi, ou psi en anglais, donc c'est la lettre de l'alphabet grec, un psi. Et psi, c'est un concept qui recouvre perception extrasensorielle et psychokinèse. C'est un concept, psi est un concept athéorique, donc ça veut juste dire on ne sait pas expliquer. Mais ils désignent comme ça, donc ils disent bah, voilà, la parapsychologie, c'est l'étude du psi. Donc ils vont définir en disant que c'est les transferts d'informations anomalous, donc des anomalies des transformations d'informations, donc des transferts d'informations de personnes qu'on ne peut pas, enfin prétendument pas expliquer de manière prosaïque. Voilà, c'est ça le psy, un peu à différencier de ce qu'on appelle la psychologie des expériences inhabituelles, plutôt centrée sur les expériences comme les sorties hors du corps, les expériences de vie imminente, les enlèvements par les extraterrestres, etc. Ouais, le sujet est vaste. Oui, bah, je veux dire, mon balado est exclusivement consacré à ces sujets, donc ça fait 1 an et demi que je le fais au rythme d'un épisode par semaine, donc oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ces sujets-là. Jamais de panne d'inspiration. Non, c'est l'inverse, on croule sur C'est qui le public du podcast? Est-ce que tu connais un peu le profil des auditeurs et leur nombre? Bon, au départ, non, au niveau du nombre, je me suis jamais vraiment penché sur la question. Donc, cette année, on a remporté le European Podcast Award pour la catégorie France. Ah, bravo. Félicitations. Donc, oui, pour France et pour individus particuliers. Donc, bah, le podcast science est aussi dans cette catégorie. C'est pour tout podcast non réalisé par une entreprise ou une ASBL. Et voilà, donc c'est une récompense qui est basée sur les votes des auditeurs. Donc je suppose qu'il y a pas mal de gens qui ont voté pour moi. Merci, merci encore pour tous ceux qui ont voté. Et oui, le public, bon, initialement, évidemment, le public, c'est les gens qui connaissent déjà la zététique, donc les membres de l'Observatoire zététique, les membres de la FIS, les membres du comité para. Et puis, évidemment, on essaye de toucher un plus vaste public, comme je le fais aujourd'hui en vous parlant, quoi. Essayer de faire connaître le mouvement et lui donner de l'ampleur et peut-être dire aux gens qui nous écoutent et qui se disent ah ben finalement je me reconnais assez bien dans ce discours, ça m'intéresse de me mobiliser ou d'être militant par exemple contre l'homéopathie ou enfin ce genre de choses, contre l'astrologie, l'utilisation de l'astrologie dans le recrutement par les entreprises, ce genre de choses, ben peut-être enfin les gens qui se reconnaissent là-dedans, ben j'ai envie de leur dire ben, vous êtes des sceptiques en fait, mais vous le saviez pas encore. Dis-moi, combien de temps ça te demande de préparer chaque épisode? J'ai l'impression qu'il y a une montagne de documentation ouais, derrière tout ce que tu cites comme référence. T'as une vie à côté du boulot et du podcast? Bah, je suppose que vous connaissez déjà la réponse, c'est une question un peu guidante, là. Mais ouais, je crois que ça me prend juste pour la réalisation du balado en lui-même, entre le moment où, disons, je prépare mes notes et où, donc je sais déjà ce que je vais raconter, quoi. J'ai fait les lectures, où j'ai écouté les podcasts, où je me suis documenté déjà. Après tout ça, quand je prends les notes, je fais le plan de l'épisode et j'enregistre et j'édite, ça me prend une quinzaine d'heures, quoi, à peu près. Ah ouais, une quinzaine d'heures par semaine. En Ouais. fait, toi, tu assures l'animation du podcast 3 semaines sur 4, j'ai cru comprendre, c'est ça? Et Ouais, puis c'est ça, ouais. 3 fois sur 4, ouais. Ouais, donc Ben. ça fait pas mal de boulot, effectivement. Ben, enfin, je veux dire, vous savez déjà que c'est très enrichissant, on apprend beaucoup. Le fait de devoir expliquer les choses fait qu'on doit un peu formaliser dans notre esprit. C'est une chose de connaître, par exemple, les raisonnements fallacieux, c'en est une autre d'être capable d'expliquer à un auditeur qui ne connaît pas encore. Donc, c'est vraiment très intéressant. Enfin, moi, j'ai vraiment appris beaucoup en réalisant ce podcast. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des domaines de la pseudoscience qu'on n'arrive pas encore vraiment à démonter ou à démontrer la supercherie? Il y a des endroits qui coincent dans la pseudoscience encore pour les sceptiques ou bien? Ben, je veux dire, enfin, là, la question est un peu, je dirais, trop simpliste. Enfin, sans pas reprocher, mais c'est parce que c'est une sorte de continuum, quoi. Les choses sont loin d'être simples. Enfin, vous l'avez bien montré dans le dénialisme, quoi. Je veux dire, si on prend par exemple le créationnisme vieille terre, hein, non, terre jeune, qui prétend que le monde a 3000 ans, ben, je veux dire, que la Terre a juste 3000 ans. 6 000. 6 000, Ouais, voilà. 6 000. Attends, soyons précis, attention. Je veux dire, c'est relativement facile à démystifier quand ça Ouais. tient à la route. Une fois qu'on rentre, par exemple, dans le dessin intelligent, ils ont déjà un discours beaucoup plus élaboré, donc commencer à démonter ce qu'ils racontent prend déjà nettement plus de temps. Ouais. Et bah, je veux dire, les arguments ne vont pas parler à tout le monde, quoi. Maintenant, je veux dire, bah oui, j'ai des. Bon, par exemple, l'astrologie, enfin. On sait tous que l'astrologie, ça ne vaut pas un clou, quoi. Ou l'homéopathie en tant que médecine alternative, je veux dire, on sait que ça ne marche pas. Donc. Enfin, ça marche avec l'effet placebo. Enfin. Mais après, bon, les domaines comme par exemple bah, l'ufologie, il y a évidemment des cas qui ne sont pas encore expliqués, mais je veux dire, comme on le disait tout à l'heure, un cas non expliqué ne prouve pas l'hypothèse extraterrestre, ça prouve juste qu'il est non expliqué. Donc, Ouais, et là, on le parle de cas particuliers. Moi, je pensais plus vraiment un domaine pseudo-scientifique dans sa globalité. Plus, c'est clair, des cas particuliers, on pourra toujours trouver des cas qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais je sais pas si là, je sais pas. Enfin, je posais une question comme ça, mais c'est vrai que je pense qu'il y a, il y a certaines pseudo-sciences, comme tu l'as dit, qui ont des discours beaucoup plus élaborés, comme le créationnisme. Et voilà, commencer à débattre avec eux, c'est peut-être pas forcément facile à imposer ses convictions, non? Oui, et puis, enfin, je dois avouer que du côté de la parapsychologie, la parapsychologie a des chaires universitaires. Moi, j'ai fait J'ai fait un cours en ligne à l'université d'Édimbourg, donc l'équivalent d'un cours de 60 heures, je suppose. Je veux dire, bon, il y a des profs du NIF, il y a des trucs. Critiquer la parapsychologie, je dirais même pas que la parapsychologie est une pseudo-science, j'aurais tendance à dire que c'est une science pathologique, hein. On va rentrer dans des probablement plus techniques, mais enfin, pour moi, pseudo-science, c'est vraiment l'astrologie, le Reiki, enfin les trucs les plus abracadabrants, quoi, où il n'y a vraiment aucune base. Du côté de la parapsychologie, ils développent une démarche, ils ont des revues à comité de lecture, etc. Mais maintenant, je dirais que du côté de la parapsychologie, par exemple, c'est plus une question de débat entre les gens qui s'intéressent à la parapsychologie, mais qui développent une démarche sceptique, c'est-à-dire qui tentent d'expliquer les phénomènes paranormaux sans invoquer le psy, versus les parapsychologues qui considèrent que le qu'il est plus, enfin, qui ont tendance à penser que le psy existe et qui l'invoquent dans leurs explications. Ça va plutôt être de cette forme-là, quoi. Et quand je pense à ce qui est arrivé à Simon Singh en Grande-Bretagne, qui s'est retrouvé en procès pour diffamation, pour avoir dénoncé, je ne sais plus quel corps de métier c'était, Les les chiropracteurs. chiropracteurs, je crois, ouais, c'est ça. Enfin, finalement, ça s'est bien terminé, il a survécu à l'histoire, il a même réussi à faire en sorte que les lois sur la diffamation soient réformées au Royaume-Uni. Ah, Dénonçant des on a une supercheries, petite peut-être. coupure, professeur Fon. Est-ce que tu peux Ah. répéter ta question? Oui, je me demandais si vous, dans le podcast, vous n'avez jamais eu de soucis en dénonçant des supercheries. Il suffit pas d'avoir raison pour ne pas être exposé à des problèmes judiciaires. Je sais pas, vous avez été embêté ou pas du tout? Oui, tout d'abord, précisons que Simon Sick est clairement, enfin, je veux dire, il se réclame du mouvement sceptique contemporain. Là, on est en train, c'est comme Richard Dawkins, hein, tous les gens que tu es en train de citer, c'est des gens qui participent activement au mouvement sceptique contemporain. Et les sceptiques ont soutenu Simon Sick dans le monde, hein, dans son effort. La James Randi Educational Foundation lui avait même dit si, qu'on pouvait, je ne sais plus s'ils lui ont apporté un soutien financier, mais il lui avait dit s'il y a besoin, on vous soutiendra financièrement dans votre effort. Donc on est vraiment à fond dedans. Ça a été la grosse actualité du mouvement sceptique contemporain il y a 2 ans, puisqu'il avait dit, donc pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, que certains traitements dont l'association chiropractique britannique faisait la promotion étaient en anglais bogus. Ce qui est tout à fait vrai, évidemment, mais ils ont essayé de le faire taire en utilisant les lois contre la diffamation. Et finalement, ils ont perdu. Enfin, ils se sont rétractés après 1 an parce que le backlash a été tellement important que ça leur a fait énormément de mauvaise presse, quoi. Donc, ça a eu l'effet inverse de ce qu'ils espéraient. Évidemment, oui, c'est une crainte qu'on a tous. Moi, je reste extrêmement prudent. Ouais, c'est une crainte que j'ai en permanence. Ça m'est jamais arrivé. Commençons par là. Ça m'est pas encore arrivé. Mais disons que c'est une crainte que j'ai souvent. Donc, quand j'écris ou sur le blog ou quand j'ai réalisé un balado, je suis toujours extrêmement prudent dans ce que je dis. J'essaie de me focaliser en critiquant les idées, pas les individus. J'utilise pas de vocabulaire en disant, comme certains sceptiques ou athées américains vont dire, ce gars-là, c'est un douchebag, donc un imbécile. J'utilise pas ce type de vocabulaire. Donc, maintenant, il y a énormément. Enfin, ça arrive. Hein, c'est une stratégie claire pour faire taire les critiques. Hein, quand on n'a pas d'arguments scientifiques, on essaye d'empêcher les contradicteurs de s'exprimer. En France, on a eu Yves Lignon, donc, qui est un parapsychologue qui a poursuivi pour diffamation Henri Brock. J'ai fait une interview qui sera dans 2 semaines sur le balado, je pense, de Robert Alessandri, qui a critiqué donc le service OVNI du CNES à propos d'une rentrée atmosphérique en 1990, si mes souvenirs sont bons. Et ce service de OVNI était supposé expliquer au grand public que c'était bien une rentrée atmosphérique, mais le responsable était tellement spécialisé OVNI qu'il ne connaissait pas grand-chose en rentrée atmosphérique. Donc il a raconté un peu tout et n'importe quoi. Enfin, donc c'est Robert Alessandri, qui est quelqu'un de, enfin, qui n'a pas de, enfin, il était au chômage à l'époque, etc. Mais a osé le critiquer dans ses écrits. Il s'est pris un procès en diffamation qu'il a d'ailleurs perdu. Donc probablement parce que les avocats de la défense pensaient que quelqu'un qui n'était pas diplômé en sciences versus quelqu'un qui travaillait pour le CNES, celui qui travaillait pour le CNES avait forcément raison. Ben voilà quoi, non, ça arrive régulièrement, c'est un vrai danger, mais je croise les doigts. Ouais, on les croise aussi. Peut-être pour conclure, une petite question un peu provocatrice là. Vous n'avez pas peur qu'on vous, enfin, quand le mouvement sceptique en général, vous n'avez pas peur qu'on vous réduise à des scientistes, de finalement pas laisser place à, de tout vouloir expliquer par la science à tout prix et de pas laisser place un peu à des à la croyance ou à d'autres choses un peu plus, je sais pas, plus de qui tient plus de l'ignorance et vraiment tout vouloir systématiquement expliquer par la science, vous n'avez pas peur de ça? Oui, évidemment, c'est la première chose qu'on nous reproche. Hein. Ouais. Vous êtes des vils scientistes. Ah ouais, on vous reproche ça souvent. Oh oui, c'est la première chose. Oh, voilà quoi. Ou même rationaliste, qui est un terme qui est utilisé par la rationaliste. Je veux dire, ces termes sont utilisés comme des insultes à notre égard. Hein, ça. Être un rationaliste pour des gens qui sont pas sceptiques, c'est une insulte, quoi. Alors que pour nous, oui, bah oui, moi je suis un rationaliste, quoi. J'utilise la raison, la science comme méthode, la raison comme outil, hein. Mais je ne suis pas vraiment partisan d'utiliser la foi pour comprendre le monde qui nous entoure. Mais oui, enfin, forcément, c'est des choses qu'on nous reproche. Maintenant, pour être clair, si vous me posez vraiment la question, moi j'ai une formation de philosophe, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adhère au naturalisme philosophique. J'ai bien conscience qu'il y a un certain moment où on adopte la science comme vision du monde. Par exemple, quand on dit, personnellement, je ne crois pas que le surnaturel existe, je ne crois pas qu'il y ait une surnature, je ne crois pas que Dieu intervienne pour favoriser l'évolution, on est dans des présupposés métaphysiques, quoi. Donc, je sais bien qu'on est dans le domaine de la philosophie, mais personnellement, en tant que philosophe de formation, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que je suis premier à dire que la philosophie a sa place à côté de la science en tant que méthode pour de réfléchir de manière cohérente et logique sur des sujets, quoi. Et donc, c'est pas la philosophie n'est pas la science, on ne peut pas confondre les deux. Donc. D'accord, ouais. Bon, enfin, j'ai beau dire ça, on m'accusera quand même de scientisme. Très bien. Je vais peut-être juste rajouter une petite chose. J'avais écouté un de vos épisodes qui m'a vraiment beaucoup plu, qui s'appelle Feeling the Future, où c'est Nicolas Gauvry, qui est donc spécialiste, c'est ton compagnon dans votre balado. Lui, il est spécialiste dans les statistiques, non? Et il a fait une explication vraiment très intéressante basée sur les statistiques, sur une expérience qui avait été faite. Donc, je ne sais plus comment s'appelait la personne qui avait fait cette expérience, mais comme soi-disant, on pouvait prévoir le futur et tout ça. Il avait expliqué comment les statistiques derrière cette étude avaient été biaisées. Et j'ai trouvé très intéressant, et moi le monde des statistiques est un monde qui m'intéresse beaucoup parce que je suis justement très sceptique vis-à-vis de certaines études statistiques, mais sans pour autant avoir l'expertise correspondante pour justifier mon scepticisme. Donc je pense que Nicolas Gauvry va écouter cet épisode. Donc moi je propose de l'inviter aussi dans l'une de nos prochaines émissions de podcast science pour qu'il nous, si ça l'intéresse, pour qu'il nous parle un peu plus de statistiques. Moi ça me plairait beaucoup personnellement. Oui, je suis certain qu'il sera certainement intéressé de venir vous en parler. Effectivement, il est professeur de statistique dans une université aux alentours de Paris, donc c'est vraiment son rayon et il fera ça avec plaisir. Donc voilà, l'appel est passé. Formidable. Aussi, avant qu'on ne clôture, je voulais juste peut-être réévoquer la question des médecines prétendument alternatives, qui ne sont évidemment pas réellement alternatives, n'est-ce pas? Faisons attention aux mots qu'on emploie. Hein. Le terme de médecine alternative, c'est entre guillemets de la propagande utilisée par les tenants de ce type de médecine pour dire, voilà, elles s'ajoutent aux médecines prouvées par la science. Mais une médecine alternative, c'est juste une médecine dont l'efficacité n'a pas été prouvée par la science. Bon, au mieux, on pourrait dire, si on est très positif, on pourrait dire qu'il n'a pas encore été prouvé par la science. Mais oui, donc les médecines alternatives sont en réalité pas du tout alternatives. Mais oui, dans l'épisode sur le négationnisme que vous discutez, vous avez évoqué vous disiez que plus de recherches étaient nécessaires. Je voulais juste réagir sur ce point. Je pense qu'en réalité, quand on lit la littérature, il y a énormément de recherches qui ont déjà été faites sur le sujet, par exemple l'homéopathie ou l'acupuncture ou d'autres recherches, et d'autres domaines, enfin les médecines alternatives, il y en a des centaines. Je veux dire, on sait énormément de choses déjà sur comment ça fonctionne. Donc la question qui se pose à un moment donné, c'est Une question de ressources, quoi, parce que évidemment, faire de la recherche, ça coûte de l'argent. Est-ce qu'il ne faut pas mieux investir de l'argent dans des domaines où on pense qu'on a vraiment l'espoir de trouver un traitement qui fonctionne? Ou alors, juste pour introduire ici une notion importante, c'est ce qu'on appelle la plausibilité antérieure. Donc, la plausibilité antérieure, c'est est-ce qu'on a un mécanisme qui rend le traitement plausible? Bah, pour reprendre l'exemple de la parapsychologie, la télépathie, il n'y a pas de mécanisme qui permette de l'expliquer à l'heure actuelle. On n'a aucune idée de comment deux cerveaux pourraient communiquer l'un avec l'autre, ce qui fait que la plausibilité antérieure de l'existence du psy est extrêmement faible. Je ne dis pas nulle, mais extrêmement faible. Donc, pour les traitements, par exemple, l'homéopathie, on sait que voilà, les taux de dilution sont tels qu'il n'y a absolument plus rien dans l'eau. Et alors, on nous parle de mémoire de l'eau, mais ce n'est pas prouvé. Et puis, évidemment, comme disait un de mes copains, les gélules, elles sont déshydratées. Donc, je ne vois pas trop où la mémoire de l'eau pourrait rester, mais bon. Donc, la plausibilité antérieure est nulle. Donc, la légitimité de faire plus de recherches pour un domaine qui a déjà été amplement testé. Et dont on sait que l'efficacité n'est pas. Enfin, je veux dire, les recherches effectuées, enfin, comme d'habitude, les recherches avec mal réalisées, avec un échantillon faible et pas en double aveugle, obtiennent des résultats légèrement positifs. Et les résultats bien réalisés en double aveugle, avec des bons contrôles, obtiennent des résultats en accord avec l'effet placebo. Alors, l'astuce. C'est qu'évidemment, les instituts de promotion de médecine alternative, comme il y en a, ils vont faire une étude sur l'acupuncture, et puis ils vont faire ce type d'étude mal réalisée, et puis ils vont dire, voilà, on a eu un effet qui semble indiquer peut-être que quelque chose se produit vraiment, et donc la phrase clé, c'est it warrants further research, donc on préfère plus de recherche. Et c'est toujours ce discours de. Oh, vous savez, l'acupuncture, c'est mystérieux. Donc, peut-être que si on faisait plus de recherches, encore plus de recherches, on trouverait enfin comment ça fonctionne. Ouais, non. On sait que ça ne fonctionne pas. Donc, il n'y a pas une question à faire encore plus de recherches. Et aussi, évidemment, on peut dire, évidemment, il faut faire des études sur l'effet placebo, mais bon, les recherches sur l'effet placebo, ça existe. On sait que la relation médecin-patient prend le temps de discuter, a de l'importance, mais on peut faire des recherches là-dessus. Faire des recherches là-dessus, ce n'est pas faire des recherches sur est-ce que l'homéopathie fonctionne ou est-ce que l'acupuncture fonctionne. Et alors, pour terminer, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais. Bon, par exemple, récemment, il y a eu le Power Band. Vous connaissez le Power Band, les bracelets Ouais, avec c'est le des holothermes. bracelet miracle. Voilà, ça a été la grande mode ces derniers temps dans le monde. Voilà, donc récemment, sur un podcast sceptique, j'entendais une interview de chercheurs qui ont fait une étude en double aveugle. Donc, ils ont pris des bracelets Power Band et ils ont pris des bracelets Power Band dont ils ont, pour le groupe. Hein. Et puis, pour l'autre groupe contrôle, ils ont pris les mêmes bracelets, mais ils ont enlevé les hologrammes, ils les ont remplacés par des choses qui ressemblaient à des hologrammes. Mais qui n'étaient pas des vrais hologrammes. Oui, soyons clairs, la plausibilité antérieure que le Power Band fonctionne est complètement C'est nul là. ridiculement faible. Oui, il faut jamais dire jamais, mais bon, voilà. Hein. Donc, ils ont fait l'expérience sérieusement, en double aveugle, ils ont publié ça dans la littérature. Évidemment, je crois qu'ils ont, si mes souvenirs sont bons, ils n'ont même pas trouvé d'effet placebo. Donc, mais alors évidemment, si on n'a pas une approche qui prend en compte la plausibilité intérieure, on dit oui, mais il y a tellement de gens qui rapportent un effet positif du Power Band, il faut faire plus de recherches, quoi. Alors la question, c'est quand est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que cette étude-là est suffisante ou bien est-ce que peut-être qu'il faut chercher dans d'autres sens? Parce qu'après tout, on a tellement de témoignages, enfin, c'est ce discours. Moi, j'ai envie de dire, bah, franchement, faire des études, enfin, je suis content qu'ils aient fait cette recherche-là sur le Power Band. Mais à un moment, il y a vraiment un problème d'allocation de ressources et j'ai envie de dire, plutôt que de financer une nouvelle étude sur le Power Band, enfin, je prends cet exemple parce que c'est caricatural, mais plutôt que de financer ça, je préfère qu'ils mettent l'argent du côté de la recherche sur le cancer, par exemple. Bon, peut-être juste pour modérer tes propos, je pense qu'il y a quand même une grande différence entre mettre de l'argent dans ce Power Band, dans une recherche sur ce Power Band, ou mettre de l'argent dans l'acupuncture qui est quand même une tradition millénaire. Et il y a un téléphone qui sonne là, non? Je me trompe. Tu es toujours avec nous? Je crois pas, là il est au téléphone. Bon, on va attendre qu'il revienne. Désolé, Voilà. il y a mon vrai téléphone qui a sonné. C'est des choses qui arrivent. Non, je disais juste pour modérer ton propos, il y a quand même une différence entre mettre de l'argent pour une recherche dans ce Power Band ou mettre de l'argent dans la recherche sur l'acupuncture, qui est quand même une tradition millénaire qui a priori peut-être peut mener à plus de choses que le Power Band. Mais bon, je dis pas que l'acupuncture est quelque chose qui fonctionne. Ça, Antoine nous le dira mieux que moi. C'est notre troisième animateur de podcast science qui, dont son père est acupuncteur. Il a fait un petit dossier là-dessus. Mais je pense qu'il faut aussi, dans ce qu'on considère la pseudo-science, il faut aussi un peu faire la balance des choses. Oui, enfin Ouais. voilà, c'était juste pour donner mon avis, un peu pour réagir, parce que comme vous aviez dit dans l'épisode, ce n'est pas discutable, ben voilà, j'en ai discuté. C'était juste pour dire, j'ai probablement une opinion plus, enfin non, j'ai une opinion enfin, plus dure que vous sur le sujet, mais ce n'est pas bien grave, c'était juste pour vous donner une idée un peu du discours que vous pouvez entendre dans le mouvement sceptique contemporain sur ce genre de sujet, quoi. Mais moi ça m'intéresse quand même, j'ai quand même envie de rebondir un peu là-dessus, ça m'interpelle. Comment dire, si on prend les fondamentaux, j'ai quand même l'impression qu'en tant qu'espèce, on est câblé pour croire. Que ouais, y a un avantage évolutif vraisemblablement à la croyance. Bon, d'une part, on est des machines à produire du sens, quoi. On voit des patterns, on trouve du sens souvent là où il y en a, mais très souvent malheureusement là où il n'y en a pas non plus. Et puis, ben, on a nos, sur le plan neurologique, on a nos fameux lobes frontaux qui nous permettent d'anticiper l'avenir, ce qui est rarement le cas chez les autres espèces, qui est générateur d'angoisse. Et ouais, moi je pense que ces croyances, trouver des réponses simples à des questions angoissantes, finalement, c'est quelque chose qui peut, qui doit avoir un avantage à ce niveau-là. Qui nous permet de nous calmer, de nous désangoisser, de nous concentrer sur le quotidien. Et ouais, je m'interroge sur l'autorité, enfin, quelle autorité peut trancher entre les bonnes et les mauvaises croyances? Parce que quelque part, on est quand même toujours en train de parler de croyances, alors moins évidemment avec la démarche scientifique, mais. Même là, quoi. Je pense qu'elle est quand même teintée de beaucoup de croyances. Les médias, manifestement, n'arrivent pas à trancher. Bon, l'Église, on n'en parle pas. Les médias n'arrivent pas à trancher. Et ils ont tendance à mettre la science et la pseudo-science au même niveau, à donner la même place, en tout cas aux États-Unis, la même place aux créationnistes qu'aux scientifiques, si ce n'est davantage de place même aux créationnistes. Les revues spécialisées qui, elles, font un bon boulot, puis ont une opinion très, très claires et très tranchées, en général, sont simplement inaccessibles au grand public. Donc là, on en revient à la question de départ. On a le choix entre croire au créationnisme ou croire à la théorie de l'évolution, mais voilà, c'est difficile d'avoir accès à ce qui constitue la théorie de l'évolution à proprement parler. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Les écoles? Alors oui, clairement, je pense que l'éducation a un sacré rôle à jouer comment dire, dans cet apprentissage, cette sensibilisation à l'esprit d'analyse, à l'esprit critique. Mais même là, je crois que les écoles sont infiltrées, surtout dans le monde anglo-saxon, par des lobbies, et finalement, on finit par y enseigner tout et n'importe quoi. Et puis moi, l'idée qu'une faculté de science, c'était ça en fait, l'idée de Pascal Dittelme, l'idée qu'une faculté de science puisse faire autorité en embrassant également non seulement ses disciplines, mais toutes les autres, et qu'elle puisse avoir un discours clair, étayé, qui respecte la démarche scientifique quand il s'agit de critiquer les approches alternatives, ben moi elle me paraît quand même plutôt bonne, quoi. J'ai l'impression, je vois là une autorité qui permettrait de trancher, qui permettrait au grand public de se faire une idée. Et puis s'il y a des domaines sur lesquels on a clairement suffisamment de recul aujourd'hui pour savoir que ce sont des, ouais, juste des pseudo-sciences, que ça n'a rien d'alternatif, je pense à la prière, à l'astrologie, à la numérologie, au power bind, à tous ces trucs-là, on sait que c'est complètement irrationnel. L'homéopathie aussi, même si c'est pas encore vraiment intégré par le grand public, mais enfin, toutes les études vont dans le même sens, quoi. Tout est clair. Il me semble quand même qu'il y en a d'autres pour lesquelles on manque encore un peu de recul, comme l'acupuncture, le massage, la méditation. C'est des choses où j'ai l'impression qu'on a encore pas mal de trucs à apprendre. On sait que l'acupuncture dépasse le placebo dans certains champs d'application et pas dans tous. Alors évidemment, c'est très gênant d'avoir ce. On ne sait pas ça, non. Bon, c'est un long débat, ça. L'acupuncture, Bah ouais, j'ai pas. c'est peut-être une des pseudo-sciences qui prête le plus à débat, ou pseudo-sciences ou sciences. C'est peut-être une des plus délicates à traiter. Ouais, Oui. peut-être. Je veux dire, Peut-être. Ne parlons, enfin, j'ai quelques papiers de référence pour étayer ce que je dis. C'est pas, je suis pas dans le registre de la croyance. Alors après, est-ce que ces papiers sont validés ou pas? Est-ce que je ne sais pas comment ils ont été perçus sur la durée. Moi, j'ai l'impression que ce qui est extrêmement gênant, en fait, avec ces approches alternatives, c'est le discours, tout le baratin qui a été construit autour. Voilà, qui va quand même falloir empoigner une fois ou l'autre et démonter de manière rationnelle, ce qui n'a pas vraiment été fait, il me semble. Oui, juste pour donner un peu de perspective, votre invité Pascal Diterme, c'est ça? Dit-elle-même, ouais. Diterme, oui, que j'ai trouvé excellent. Hein, donc, mais citait donc la chaire d'études d'homéopathie pour soutenir son projet, sa chaire d'études des médecines alternatives qui existe en Grande-Bretagne. À Alors, l'université d'Exeter, ouais. oui, tout à fait. Donc, la personne qui est en charge, il s'appelle Edzard Ernst. J'espère que je C'est pas trop mal son nom. Et il a écrit donc avec un Simon Singh un livre qui s'appelle Treatment, Alternative Medicine on Trial. Et si vous lisez ce livre, donc on revient sur Simon Singh et son procès sur la chiropractie, hein, chiropractie. Dans ce livre, ils font une revue de la littérature sur toutes les médecines alternatives, vu que Edzard Hens est le responsable de cette chaire, et il conclut que l'efficacité de tous ces traitements, y compris l'acupuncture, ne dépasse pas l'effet placebo et que les résultats sont largement négatifs. Alors, évidemment, il est responsable de la chaire, donc Edzard Hens est responsable de la chaire de médecine alternative, mais il est un des critiques les plus implacables de la médecine alternative. Alors, évidemment, moi, dans ce contexte-là, j'ai aucun problème, hein, je suis à 200% pour. Alors c'est exactement le modèle qu'il a en tête, hein, Pascal. Oui, mais l'astuce, j'étais pas contre son idée, hein, mais moi ce que je redoute, c'est la chose suivante. On crée une chaire. Et comme vous l'avez dit, les médecines alternatives tentent d'infiltrer autant que faire se peut les facultés de médecine. On crée ce type de chaire, mais la personne qui devient responsable est loin d'être aussi sceptique qu'Edzard Hens. Et il utilise cette position non pas pour critiquer les pseudosciences, mais pour faire une lecture biaisée de la littérature et pour faire la promotion de celle-ci. Comment est-ce qu'on réagit face à ça? Parce qu'il va pas, il va passer dans les médias et dire, oh oui, mais non, l'homéopathie, il y a ces recherches sur la mémoire de l'eau, blablabla. L'acupuncture peut être utilisée comme excellent effet placebo pour les traitements de la douleur, blablabla. Enfin, il peut tenir un discours beaucoup plus ambigu. Encore une fois, on a la situation en France pour comparer avec le service OVNI du CNES, quoi. On a donc un service spécialisé dans l'étude des ovnis au Centre d'études des phénomènes spatiaux, mais le précédent responsable, Jean-Jacques Velasco, allait sur les plateaux de télévisés, France 1, etc., et expliquait que lui était personnellement convaincu que les ovnis s'expliquaient par des visiteurs extraterrestres. Il faut se mettre aussi dans cette possibilité-là, quoi. Ouais, c'est vrai que ça peut faire pas mal de dégâts. J'avais pas vu les choses comme ça, t'as raison. Voilà. Je crois qu'on a un peu fait le tour, hein. En tout cas, c'était vraiment sympathique. Et ouais, enfin, personnellement, je voulais dire, j'ai écouté plusieurs épisodes de votre balado aussi et je le trouvais excellent. Je trouve que vous faites du bon boulot de vulgarisation, donc continuez, quoi. Ben merci, Merci bien, pareil. pareil. Peut-être juste avant de conclure, tu peux nous dire où on te trouve sur Internet, comment on fait pour t'écouter? Eh bien, on me trouve en me cherchant dans iTunes. Sous scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Et alors, j'ai un blog officiel qui se trouve à scepticismescientifique.blogspot.com. D'accord, Et comment parfait. vous? Alors de notre côté, nous on a un site qui s'appelle podcastscience.fm dans lequel on publie nos podcasts. On peut aussi nous trouver sur iTunes, je pense en cherchant Podcast Science, non, Professeur Fun. Oui, Enfin, bon, suivant de quel pays on ouais. vient, il y a pas mal de pages à faire défiler dans iTunes. Je crois que le plus simple, c'est de nous trouver sur le site, effectivement. Donc, c'est Podcast Science tout en un mot, sans trait d'union et sans S à science, podcastscience.fm. Très bien. Eh bien, à une prochaine peut-être, hein, si on retrouve des sujets sur lesquels on discutait. Maintenant, vous êtes dans mon carnet d'adresses et je suis dans le monde. Absolument, je sens que ce n'est pas les sujets qui vont manquer. Je me permets de te dire déjà à bientôt. Oui, au revoir. Allez, à bientôt, merci, au revoir. Merci, à bientôt.